amani salama na watu wote. Hapana chuki, hapana tena matengano, salama na watu wote. Biblia yasema tutafuta amani popote, salama na watu wote. Biblia yasema tutafuta amani, amani salama na watu wote. Hapana chuki, hapana tena ubaguzi, salama na watu wote. Je, wewe unakuwa mpingaji asiyependa maendeleo? Mbona usikie moyo kumia kutopatana na watu wote? Tutatoka toka hapo ulimwengu, tutakwenda kumuona Yesu. Jambo gani utamutolea Mungu ukitoa ripoti yako? Amani, amani, amani, amani, amani. Afrika, Equateur et Bakongo, Katanga, Amani, Amani, tafuta amani na watu wote Ituri, Amani, Amani. Amen, amen. Soyez toi bien gâti, ma leader, boy. Puisque toi, l'équipe qui m'a. Yes, I beg you, so pass on the land and I to salivate. Call a demo and a demo, sit them over the tennis and put us a mock. Yes, go bet you, Mamolo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, Mololo, ta mort si la croix a payé le prix de ma délivrance. Seigneur, que la paix soit dans tes lits et la tranquillité au Congo. Alléluia. Au Congo. Yokali bondeli, yabiso banae. Yokali bondeli, yabiso banae. Toko senga, to sengine kimia yawe. Sous-titrage Société Radio-Canada. na se ya chango yo tinda ki mwana na yo yeswa ya koku fela na yo ya ala kisa ki bolingo oyo mana mona se na mokino yo mokima ye ya mona ya bi bolingo na yo mokozi Puisque la Simaya a Togobina Nova, à Novandara, Batova Tambola Gotea, Aru, Ariwa, Rakuna Bayebi, Baba Kota Sin Suda, Uganda Bayebi, alors Simao et Gochofe, Kozana Servilka, Servilka, Azamana Mukeme, Zambate Logo Nagatina, yes, solo la Konaman, Gloire à Jésus, merci. Sans la paix, n'a pas de tout dans la paix, n'a pas tout dans la paix. Il n'y a pas d'évolution sans la paix, il n'y a pas d'évangélisation sans la paix, oh sans la paix. Sois le maître du temps et des circonstances, sois le maître de paix. L'évangélisation sans la paix, il n'y a pas d'évolution sans la paix, il n'y a pas de paix sans la paix.